Pinocchio de Carlo Collodi, traduction par Cocotte. Chapitre 1. Il était une fois un roi, diront tout de suite mes petits lecteurs. Non, mes enfants, pas un roi. Il était une fois un morceau de bois. Ce n'était pas un bois précieux, mais un simple bout de bois de chauffage, comme ceux qu'on met l'hiver dans le poêle ou dans la cheminée pour réchauffer les pièces. Le fait est qu'un beau jour, ce morceau de bois arriva dans la boutique d'un vieux menuisier, dont le nom était Maître Antoine, mais que tout le monde appelait Cerise, parce que le bout de son nez était rond et rouge, comme une cerise bien mûre. Dès que Maître Cerise eut vu ce morceau de bois, il se réjouit et dit à mi-voix, en se tapant sur les cuisses de plaisir, « Ce morceau de bois est arrivé juste à temps. Je vais m'en servir pour faire un pied de table. » Sitôt dit, sitôt fait. Il prit une herminette pour enlever l'écorce et le dégrossir. Mais quand il voulut donner le premier coup, il resta le bras en l'air parce qu'il entendit une toute petite voix très douce qui lui disait « Ne me frappe pas !» Vous voyez d'ici la tête de ce bon vieux maître Cerise. Il regarda partout dans la pièce pour savoir d'où pouvait sortir cette voix. Mais il ne vit personne. Il regarda sous le banc. Personne. Il regarda dans une armoire qui restait toujours fermée. Et personne. Il regarda dans le tas de copeaux et de sciure. Et personne. Il ouvrit la porte de sa boutique pour jeter un œil dans la rue. Et personne. Où alors? J'ai compris, dit-il alors en riant et en se grattant la perruque. Je vois bien que c'est moi qui me suis imaginé entendre cette petite voix. Au travail. Il reprit l'herminette et en donna un coup sur le morceau de bois. « Aïe, tu m'as fait mal !» se mit à crier la même petite voix. Cette fois, Maître Cerise resta stupéfait, les yeux hors de la tête et la langue pendante jusqu'au menton, comme une grosse tête de fontaine. À peine eut-il retrouvé l'usage de la parole qu'il commença à se dire, tremblant de frayeur, d'où peut sortir cette petite voix qui a dit « Aïe !» Pourtant, ici, il n'y a âme qui vive. Est-ce que par hasard, ce serait ce bout de bois qui se met à pleurer et à se lamenter comme un bébé? Impossible! Ce bout de bois est comme tous les autres. Il est là pour être jeté au feu et faire bouillir ma soupe de haricots. Et alors, peut-être que quelqu'un se cache dedans. « Eh bien, si quelqu'un se cache dedans, tant pis pour lui, je vais m'en occuper. »